إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on termine ce séminaire avec le sujet des sectes, des vieilles qui ont contredit la sunna. Et donc, on va faire un petit résumé à ce sujet-là, pour clore la conférence. Bien entendu, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de ce sujet-là dans une seule conférence, puisque c'est un sujet qui est très vaste. Mais on va essayer de juste aller toucher aux points les plus importants pour essayer de comprendre. Premièrement, lorsqu'on parle des sectes, c'est pas seulement dans le but de parler sur un plan historique, comment les sectes sont apparues, comment elles se sont développées, mais c'est bien entendu de comprendre les choses par rapport aux fondements et aux bases de l'islam. Et c'est pas juste pour dire qu'on a une culture où on apprend ces choses-là juste pour apprendre, pour lire ces choses-là pour apprendre, mais c'est pour, au contraire, être capable de mieux s'accrocher à la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, au Coran et à la Sunnah, et pour se préserver de ces sectes-là. Et pour abandonner ce que suivaient ces sectes et ces groupes d'égarement, et pour faire en sorte qu'on reste accroché au groupe sauvé. Donc tous les cours qu'on a fait dans ce séminaire ont été choisis, les sujets ont été choisis justement pour clarifier ce sujet-là aujourd'hui. Tous les sujets sont reliés. La signification de la sunna, le statut de la sunna, les fondements de la sunna, le groupe sauvé, qu'est-ce que c'est les bid'ahs, le tawhid. Tout ça, c'est relié avec le sujet des différents groupes et des différents sectes. Donc, il faut connaître qui sont les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. C'est quoi leur fondement? C'est quoi leur principe? C'est quoi leur règle? C'est quoi leurs caractéristiques? Et quelles sont les différentes sectes? C'est quoi les choses dans lesquelles ils ont dévié? C'est quoi les innovations qu'ils ont inventées? C'est quoi les voies qu'ils ont ramenées qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna? Et comme on avait mentionné tout à l'heure, le hadith de Hudayfa, il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, au sujet du mal, parce qu'il avait peur de tomber dans le mal. Et ça, c'est tiré du hadith qui est très célèbre, le hadith de Hudayfa ibn Yaman. Il dit كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخله قال قوم يستنون بغير سنته ويهتدون بغير هديه تعرف منهم وتنكر قلت وهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله يا رسول الله فما ترى أن أدرك إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعب على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. C'est un hadith qui dit que les gens demandaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, et moi je demandais au sujet du mal par crainte que cela m'atteigne. Par crainte que cela m'atteigne. Alors j'ai dit au messager d'Allah, hein, nous étions dans la jahiliya et dans le mal, et Allah nous est venu avec ce bien. Est-ce qu'après ce bien il y aura un mal? Il a dit oui. Et est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Il a dit oui. Mais il y a dedans de la fumée, de la brume. Il a dit, et c'est quoi cette brume? Il a dit, c'est des gens qui se tiennent sur autre que ma sunna et qui prennent comme guidance autre que ma guidance. Tu vas reconnaître des choses chez eux qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Et il a dit, et est-ce qu'après ce bien, il y aura du mal? Il a dit oui. Des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Quiconque répond à leur appel sera jeté dedans, c'est-à-dire sera jeté dans l'enfer. Je dis, ô messager d'Allah, décris-les-nous, c'est-à-dire décris-nous ces gens-là qui appellent ou qui invitent aux portes de l'enfer. Il a dit, ce sont des gens qui sont de la même peau que nous, qui ont la même couleur que nous et qui parlent la même langue que nous, hein, même origine que nous, et qui parle la même langue que nous. Il a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que je dois faire si je rencontre ces gens-là? Il a dit, dans ce cas-là, tu dois rester avec le groupe des musulmans et avec leurs dirigeants. Et je dis, et s'il n'y a pas de dirigeants, il a dit, dans ce cas-là, laisse tous les différents groupes et les différentes sectes et reste, même si tu dois mordre au tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort te vienne et que tu sois dans cet état-là. Donc, le cheikh il dit, le fait de connaître les sectes, le fait de connaître les différentes shubuhat, les différents arguments que les sectes emploient et propagent, hein, et le fait de connaître le groupe qui sera sauvé de l'enfer, le groupe d'Ahlus Sunnah wal Jama'a et ce qu'ils suivaient, ça c'est un grand bien pour les musulmans. Parce que les sectes également sont nombreuses. Hein? Et donc, le musulman qui est ignorant, lui, il peut facilement se laisser tromper et se laisser égarer par ces sectes-là. Et c'est pour ça que lorsque Hudhayfa il dit, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il a dit oui, des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Et quiconque leur répond, ou répond à leur invitation, il sera jeté dedans. Et quand il les a décrits, il a dit que ce sont des gens de notre origine, de la même origine que nous, et ils parlent la même langue que nous. Donc le danger, il est grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde dans une exhortation, dans le hadith de Irbad ibn Sariya. Il a dit, je vous incite à craindre Allah et à écouter et à obéir aux dirigeants, même si celui qui est sur vous comme dirigeant est un esclave. Et celui qui vivra après vous verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Mordez dedans avec vos molaires et prenez garde, hein, aux nouvelles choses inventées dans la religion, car toute nouvelle chose inventée est une bid'a et toute bid'a est une égarement. Donc, ça c'est pour comprendre donc l'importance de ce sujet-là et l'origine de ces déviations-là et de ces bid'as. On en a parlé dans la conférence au sujet des innovations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit donc qu'il y a la voie des divergences et de la division. Il nous a, dans ces moments-là, il nous a encouragé et enjoint de nous accrocher au groupe des musulmans et à leurs dirigeants. Et de nous accrocher à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et d'abandonner tout ce qui contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna comme parole, comme pensée, comme idéologie, comme voix ou autre. Et que la seule voie du salut, c'est de s'accrocher au câble d'Allah et de rester unis. Et de rester unis et qu'il est interdit, de savoir qu'il est interdit de se diviser. Et il mentionne le verset 103, hein, Cheikh Al-Fawzan, il mentionne le verset 103 dans le surat Al-Imran, dans lequel Allah SWT a dit, et accrochez-vous tous au temple d'Allah et ne vous divisez pas. Hein. Et également, jusqu'au verset 105 et 106, où Allah dit, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé, après que leur soit venue l'épreuve claire, et ceux-là auront un châtiment énorme, le jour où des visages deviendront clairs et d'autres visages deviendront sombres. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit à propos de ce verset, le visage des gens de la sunna et de la jama'a vont devenir clairs, et les visages des gens de la bid'a et de la division vont devenir sombres. Et il mentionne le verset 159 dans surat al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Hein? Donc ceux qui divisent leur religion et qui deviennent des sectes, ça n'a rien à voir avec eux. Donc la religion, c'est une seule religion. Et il n'y a pas de division dans la religion. Il n'y a pas de différentes voies différentes ou de différents chemins pour arriver à la vérité et pour adorer Allah et pour suivre la religion d'Allah. La religion d'Allah, c'est une seule et unique religion qui ne se divise pas. Et si des groupes ont dévié, eh bien, ceux-là sont en dehors de la vérité. Ou bien, ils ne font pas partie de ceux qui suivent le droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous ai laissé deux choses, tant que vous restez accrochés à ces deux choses-là, vous n'allez pas vous dévier, vous égarer, le livre d'Allah et ma sunna. On a mentionné ces hadiths-là tout à l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné qu'il y allait avoir des divisions et des divergences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Les juifs se sont divisés en 72 sectes et ma umma se divisera en 73 sectes, 73 groupes. Et chacune d'entre elles sera en enfer excepté une. Et les sahabas ont demandé laquelle au messager d'Allah, et il a répondu, celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui et mes compagnons. C'est la preuve que la vérité, elle est unique, elle n'est pas multiple. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la jama'a. Et on a expliqué dans les cours précédents que la jama'a, ça veut dire hein, le groupe qui est sauvé, c'est-à-dire les sahabas, les tabi'in et les tabi'in qui les ont suivis de la, qui ont suivi hein, les sahaba de la meilleure façon. Donc, dans ce hadith, on a la nouvelle, l'information qu'il y a de la division qui va arriver dans la Ummah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon la passion. C'est une révélation qui lui est révélée. Donc, c'est quelque chose qui doit arriver. Sauf qu'on a la solution à cette division-là, c'est de s'approcher à ce que suivaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et celui qui reste sur ce que suivait le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors il sera sauvé de l'enfer. Et celui qui contredit ça, alors il est menacé de l'enfer, selon son éloignement de la vérité. Hein? Donc, il y a des groupes ou des sectes qui ont dévié et qui se sont séparés de la vérité et qui sont tombés dans le coffre et qui font partie des kuffars, qui ont commis du shirk majeur, ceux-là vont rester dans l'enfer pour l'éternité. Tandis qu'il y en a d'autres, ils n'ont pas commis des actes de kufr majeur ou de shirk majeur, donc ceux-là sont menacés quand même de rentrer en enfer. Toutefois, ils ne vont pas rester éternellement dans l'enfer, hein, du moment qu'ils ont encore de la foi dans leur cœur. Mais c'est quand même, ça reste quand même une menace très sévère. Hein. Et parmi ces donc 73 sectes, il y en a seulement une qui va être sauvée, et c'est celle qui est Al-Firqatul Nadia, c'est celle qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et c'est bien entendu de suivre le Coran, de suivre la Sunna et de suivre la bonne voie qui est la compréhension des salafus salih. Et parmi les preuves de ça, il y a le verset 100 dans Surat At-Tawbah qui dit والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Donc ce verset là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les tout premiers parmi les muhajirin et les ansar, parmi les tout premiers qui ont cru, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ceux-là Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que Allah est satisfait d'eux et que eux sont satisfaits de lui, ça c'est quelque chose qui est une caractéristique des sahaba et de ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et donc ça c'est un ordre en même temps de les suivre, hein, de les suivre. D'accord. Donc maintenant en ce qui concerne, une fois qu'on a bien compris qu'il y a ce groupe là et qu'on doit les suivre, eh bien il faut comprendre que il y a des innovations qui sont apparues après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a laissé la umma alors qu'il était satisfait d'eux. Sauf qu'il y a des innovations qui sont apparues. Et déjà même à l'époque des sahaba, déjà à la fin de la période des sahaba, il y a des gens qui ont ramené des innovations. Même qu'il y a des ulama qui mentionnent que la première secte qui est apparue, c'est la secte des Khawarij. Et le premier d'entre les Khariji qui est apparu, c'était Dhul Khuwaysira. Et Dhul Khuwaysira, les ulama de hadith, ils l'ont décrit, on voit sa description dans le hadith, ils mentionnent que c'est un homme qui avait un front proéminent et une marque de prosternation profonde, les yeux creux, qu'il était avec le crâne rasé, et qu'il avait une barbe fournie, bien fournie. Donc c'était un homme qui avait une apparence, qui était une apparence religieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de distribuer le butin à ce moment-là. Et l'homme est venu et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. » Et dans une autre narration, il dit « Hadhihi qisma lam yurid biha ou lam yurid biha wajhullah » C'est-à-dire, ça c'est une séparation du butin qu'on n'a pas fait avec le but de plaire à Allah. On n'a pas voulu le visage d'Allah par cette séparation du butin. Et dans une autre narration, la narration précédente, celle que j'ai dit avant, il disait « Crains Allah » il a dit « Oh Mohamed, crains Allah » parce que il a dit « Sois juste parce que tu n'as pas été juste. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné et il a averti les musulmans à partir de l'exemple de cet homme-là. Il a dit de cet homme-là va sortir un groupe de gens. Si vous comparez votre prière à leur prière, vous allez mépriser votre prière. Vous allez avoir l'impression que votre prière, elle ne vaut rien par rapport à leur prière. Si vous comparez votre jeûne à leur jeûne, vous allez trouver que vous n'avez rien fait comme jeûne par rapport à eux. Et si vous comparez leur jeûne à votre jeûne, vous allez dire, nous, c'est comme si on n'avait jamais jeûné. Et si vous comparez votre récitation du Coran avec eux, vous allez dire, c'est comme si on n'a rien fait. Parce qu'ils font beaucoup d'adoration, beaucoup d'efforts, ils sont extrémistes là-dedans. Et il a dit, ils vont lire le Coran, mais ça ne va même pas dépasser leur gorge. C'est-à-dire, ils récitent, mais ils n'ont aucune compréhension. Et il a dit, après, ils vont quitter l'islam, ils vont sortir de l'islam comme la flèche qui passe à travers la proie. Comme la flèche qui, quand tu la tires, elle passe à travers l'animal, et elle sort, et il n'y a pas aucune trace dessus. Tellement elle est passée vite. Donc ça, c'est la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée de ces gens-là. Et il a dit, لَوْ لَقَيْتُهُمْ لَقَتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَادٍ. Si je les avais rencontrés, je les aurais exterminés, comme le peuple de Ad a été exterminé. Et il a dit dans une autre narration, Touba liman qatalahum aw qatalu. Annoncer la bonne nouvelle du paradis à ceux qui les combattent ou à ceux qu'ils ont tués. Et ils sont sortis contre Ali, radiallahu anhu. Et ils ont même tué Uthman, radiallahu anhu. Et on sait que le meurtre d'Uthman a été la cause par la suite de beaucoup de fitanes entre les sahaba par la suite. Et que Ali, radiallahu anhu, par la suite, a combattu les khawarij avec les sahaba. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné beaucoup de bonnes nouvelles, hein, yani des bonnes annonces à celui qui tuait les khawarij et qui les combattait. Donc, lorsque Ali radiallahu anhu a combattu les khawarij, après le combat, il disait aux sahaba, cherchez un homme qui va avoir un bras coupé. Et sur son bras coupé, il y a un morceau de chair. Et au bout, il y a comme une tétine comme un sein, qui ressemble à un sein, hein, au bout d'un sein d'une femme. Alors, et dessus, il y a quelques poils. Alors, ils ont cherché. Ils ont cherché cette description. Ils ont cherché cette description chez... parmi les corps qui étaient par terre, qui étaient morts. C'est-à-dire, ils cherchaient parmi les morts celui qui répondait à cette caractéristique parmi les gens qui étaient, hein, qui avaient été tués dans le combat. Et les sahaba sont retournés voir Ali, ils ont dit, on ne le voit pas, on ne l'a pas trouvé. Alors, il a dit, alors Ali, radiallahu anhu, a dit, retournez et cherchez-le. Je suis certain que vous allez le trouver. Hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que cet homme-là allait être avec eux. Et ils ont finalement trouvé l'homme qui était en dessous de plusieurs personnes qui étaient par terre. Lui, son corps était en dessous. Ils ont soulevé les corps, ils ont trouvé son corps en dessous et ils ont retrouvé la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet homme avec le bras coupé et le morceau de chair et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, Ali radiallahu anhu, il a été très content parce qu'il a su que c'était, hein, que c'était les Khawarij qu'il avait tué, qu'il avait combattu. Il avait combattu les Khawarij. Donc, il était content d'avoir cette récompense-là. Et c'est quoi la aqida de ces gens des Khawarij? C'est que toute personne qui commet un péché devient kafir. Toute personne qui commet un grand péché devient kafir. Hein? Et ils ont fait le takfir, ils ont déclaré kafir les meilleurs d'entre les musulmans. Hein? Ils ont même tué Uthman ibn Affan, et ils ont tué Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum, anhum ajma'in, et ils ont combattu les sahaba. Et ils pensaient qu'ils avaient compris l'islam mieux que les sahaba. Hein? Et quand ils faisaient quand ils combattaient les sahaba, ils pensaient que c'était un jihad, fisabilillah. Et quand ils égorgeaient les sahaba et quand ils les tuaient, ils pensaient qu'ils se rapprochaient d'Allah, parce que c'est une bid'a. Et on a expliqué déjà dans la conférence précédente que la bid'a c'est quoi? C'est une action que des gens font et ils pensent que c'est quelque chose qui les rapproche d'Allah, hein? Alors que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Donc, comment quelqu'un pouvait s'imaginer qu'il pouvait combattre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et penser qu'il était en train de se rapprocher d'Allah? Ça, c'est, hein, complètement ridicule. Mais c'est parce qu'il pensait qu'il connaissait mieux l'islam que les sahaba. Hein? Donc, leur voix, c'est comme j'ai dit, qu'ils ne restent pas avec, hein, qu'ils déclarent les musulmans qui font des grands péchés comme étant des kuffars et ils ne donnent, hein, pas d'obéissance aux dirigeants s'ils voient que ce dirigeant-là a commis un grand péché ou que, hein, ils considèrent que eux considèrent qu'il a commis un grand péché. Et ils appellent donc à la rébellion contre lui et à la révolte contre lui. Et dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve l'interdiction de désobéir aux dirigeants musulmans, même s'il fait des péchés, même s'il fait de l'injustice. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit « Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abd fa innahu man ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan kathira » Je vous incite à craindre Allah et à écouter et à obéir aux dirigeants, même si c'est un esclave. Et dans un autre hadith, hein, il y a la mention de, du fait que si le dirigeant, il, même si hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فاسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. Donc écoute et obéis. Même s'il prend tes biens, même s'il vole tes biens, même s'il frappe ton dos, écoute et obéis aux dirigeants. Donc ça c'est clair. Toutefois, les Khawarij, pour eux, non. Les Khawarij, s'ils voient un dirigeant qui fait un péché ou de l'injustice ou quoi, pour eux, ça y est, ça devient obligatoire de le. De le tuer ou de d'enlever du pouvoir et de le déclarer kafir et yani, de sortir contre lui ou bien d'appeler les gens à le faire, d'appeler les gens à se révolter. Et il considère que la personne qui fait un grand péché, hein, il quitte l'islam et il devient kafir et il va être éternellement dans l'enfer pour eux. Même si ce qu'il a fait ne fait pas partie du shirk akbar ou du kufr akbar. Hein. Donc ça c'est l'égarement total. Donc ça c'est la première secte qui est apparue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit plusieurs choses à leur sujet. Parmi les exemples que j'ai déjà mentionnés, vous avez entendu. Puis il a dit aussi, يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَامِ. C'est-à-dire, eux les Khawarij, ils tuent les musulmans. Mais ils ne combattent pas les idolâtres. Hein? Et yani, à travers l'histoire, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont toujours combattu les musulmans. Et bien entendu, les Khawarij, ce n'est pas juste à une époque du passé, comme certains s'imaginent, mais même encore à notre époque, il y a encore des Khawarij. Hein, et ils apparaissent hein, à différentes époques et à différentes périodes. Et il y a des groupes à notre époque qui ont les mêmes tendances que ces groupes-là. Hein, comme par exemple, le groupe qu'on appelle les frères musulmans, les frères les musulmans. Des gens qui appellent à sortir et à se rebeller contre les dirigeants. Sous prétexte que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ça, c'est des exemples. Et on retrouve aussi ces tendances-là chez ceux qu'on appelle les sururiya. Qui suivent Mohammed Zain Abidine Surour en Angleterre, ou bien chez ce qu'on appelle Al-Hijra wa Takfir, ou bien Hizb al-Tahrir. Ça, c'est des groupes contemporains, modernes, qui appellent à ces choses-là. Et il y a aussi, bon, parmi les sectes des Khawarij, il y a ce qu'on appelle Al-Ibadiyya, aussi qui font partie des Khawarij. Donc, ces gens-là, c'est ça leur caractéristique. Et ensuite, il y a une autre secte qui est apparue, c'est la secte de Shia, Ar-Rafida. Et le fondateur de cette secte, c'était Abdullah ibn Saba, un juif du Yémen. Il s'est présenté comme étant quelqu'un qui s'est converti à l'islam, puis il est rentré parmi les musulmans et il a commencé à propager des idées et des croyances contraires à l'islam. Premièrement, il a commencé à faire croire aux gens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un vice-gérant après lui. Et que c'était lui qui devait être le khalifa. Et que c'était Ali ibn Abi Talib. Et il a commencé à dire que Abu Bakr, Omar et Othman, radiallahu anhum, ont volé le khilafa de Ali, radiallahu anhum. Hein? Et donc, ces idées-là ont commencé à se propager. Hein? Et bien entendu, ils ont menti en disant ça, parce que lorsque Abu Bakr a pris la bay'a, tous les sahabas ont été d'accord avec ça. Et ils ont tous donné l'allégeance à Abu Bakr. La même chose pour Othman, et la même chose pour Omar ibn Khattab. Ils étaient tous satisfaits de ça. Toutefois, les Shia, Rafida en particulier, ont déclaré les Sahaba kuffar. déclaré Abu Bakr, Omar et Osman comme étant des kuffars. Parce qu'ils ont dit, ah, ils ont volé la succession de Ali. Radiallahu anhu. Donc, ça c'est parmi leurs croyances. Parmi leurs croyances également, il y a le fait que ils disent que les descendants de Ali, radiallahu anhu, sont les 12 imams. Hein, sont les 12 imams. Et que c'est eux qui doivent gérer et qui doivent diriger. Hein, et qu'ils ont une connaissance de l'inconnu, de l'invisible. Et qu'ils contrôlent tout et que tout dans l'univers est soumis à leur contrôle. Hein. Et quand on retrouve dans les livres des Shi'as, comme par exemple Usul al-Kafi, on retrouve ce genre de croyances-là. Et ils ont tellement d'exagération au sujet des descendants de Ali, radiallahu anhu, que ils se mettent même à yani, les adorer en dehors d'Allah. Et c'est pour ça que si tu vas aller en Iran, ou dans d'autres pays comme en Irak, où il y a beaucoup de Shia, ou dans d'autres régions du monde où il y a beaucoup de Shia, tu vas voir que ces gens-là construisent au-dessus de la tombe des descendants de Ali, radiallahu anhu, des différentes mausolées, différentes tombes, tombeaux, différentes mosquées, et ils vont faire des pèlerinages dans ces endroits-là. Et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples de shirk qui sont pratiqués par ces gens-là. Tout ça vient du fait qu'ils ont exagéré à propos de ce qu'on appelle Ahlul Bayt, hein, la maison ou la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les Shia, il y a plusieurs sectes qui ont dévié et qui se sont divisés hein, dans cette secte-là. Certaines de ces sectes sont plus graves que d'autres, plus égarées que d'autres. Donc, les Shia, ce n'est pas une seule secte. Ok? Et à la base, même à l'origine, le terme Shia, ça veut dire un parti. Et lorsqu'il y a eu la fitna entre les Sahaba au tout début, eh bien, il y avait deux parties. Il y avait le Shia de Ali et le Shia de Muawiya. Et à l'époque, le mot Shia n'avait pas de connotation péjorative et n'impliquait pas nécessairement divergence dans la religion ou secte ou croyance. Le mot Shia est un mot, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Donc, ça veut dire, hein, qu'il fait partie, qu'il parle d'un prophète, il dit, il faisait partie du parti d'Ibrahim. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Sauf que, par la suite, avec la venue d'Abdullah ibn Saba, des fausses croyances ont commencé à s'introduire derrière ce nom-là. Et la raison pourquoi les Shia, eux, ils aiment beaucoup qu'on utilise le terme, justement, Shia, parce que c'est un terme ambigu, qui est large, et qui peut inclure hein, des gens qui sont parmi les Sahaba, qui faisaient partie du Shia de Ali, et qui étaient sur la Sunna, hein, et donc ils utilisent ce terme-là, hein, qui est vague. Mais c'est pour ça que les ulama d'Ahl Sunna, quand ils parlent de la secte des Rafidah qui sont en Iran aujourd'hui, ou bien en Irak et dans ces régions-là, ils les désignent par les Rafidah al-Ithna'ashariya, ou bien ils les appellent aussi al-Imamiya, ou bien ils les appellent aussi al-Ja'fariya. Tous ces noms-là désignent cette secte, qui est la secte des Shia qui est la plus grande, la plus nombreuse, et qui est une des sectes des Shia qui est en dehors de l'islam, à cause de leurs croyances extrémistes. Et de leur égarement. Parmi leurs égarements, c'est qu'ils insultent les Sahaba et qu'ils croient qu'ils sont kuffars. Et ils insultent les épouses du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha, radiallahu anha, et Hafsa. Et ils également croient que, bon, ils rejettent la Sunna, bien entendu, puisque les Sahaba pour eux sont des kuffars. Donc tout hadith qui est rapporté par les Sahaba, eh bien, ils considèrent que ce n'est pas des hadiths fiables. Hein, puisqu'ils ne font pas confiance aux Sahaba, ils les considèrent kuffars. Hein. Et ils croient que le Coran, que les musulmans ont aujourd'hui, que ce n'est pas le vrai Coran. Et que le vrai Coran, il était avec Ali, hein, et qu'il l'a donné à ses successeurs, et que le dernier d'entre eux, c'est yani, l'imam qui s'appelle le Mahdi, qui est mort depuis 1200 ans, ou qui est même pas, il y en a qui disent qu'il n'est même pas né en réalité, et ils disent qu'il est en état d'invisibilité. C'est-à-dire, à la naissance, il est devenu invisible. Et il reste en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 1200 ans, et il est vivant. Et ils disent que c'est lui qui est l'imam de l'époque, mais qu'il est caché. Et qu'à la fin des temps, il va venir, il va apparaître. Et il va faire paraître le vrai Coran. Il l'appelle le Mus'haf Fatima. Et ils disent que dans ce Coran-là, c'est écrit que Ali doit être le Khalifa. Hein? Et ils disent également que quand il va sortir, il va faire revivre les Sahaba, Abu Bakr, Omar et les autres, et il va les châtier tous. Il va tous les châtier. En tout cas, ils ont beaucoup d'insultes comme ça et beaucoup d'histoires fausses comme ça. Donc il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup de sectes parmi les sectes des Shia. Parmi eux, il y en a qui sont plus égarés que d'autres. Comme par exemple, il y a la secte des Zaydiya, qui sont moins extrémistes, hein, mais qui sont quand même parmi les sectes de Bid'a. Et il y a la secte des Rafida, que j'ai mentionné tout à l'heure, l'Ithna Ashriya. Il y a la secte des Ismailiya et des Fatimiya. Il y a les Karamita, qui sont aussi parmi les Shia. Il y a la secte des Nusayriya, ceux qui sont de la famille de Hafiz al-Assad. Bachar al-Assad en Syrie en ce moment, qui font partie de la secte de Nusayriya, qui sont parmi les sectes les plus hérétiques, hein, qui sont des kuffars, yani, qui sont en dehors de l'islam. Ils ne croient même pas en Allah, ni en les messagers, ni en les anges, ni en les prophètes, ni en les révélations, ni en rien. Ils ne croient même pas qu'il y a des choses halal ou haram. Pour eux, tout est halal. Hein. Et ils ont des croyances, même ils croient en la réincarnation, ou bien ils croient en des histoires que Dieu est incarné en certains hommes, ou des choses de ce genre. Il y en a qui croient même que Ali c'était Dieu, et il l'adore, en dehors d'Allah. Donc ça c'est des exemples de sectes encore plus égales. Les Ismaïliens, hein, il y a parmi eux les Agafaniyas et les Bouhara, et les Agafaniyas, tu vois, leur chef, Agafan, hein, si vous allez sur Google, vous allez taper Aga Khan, vous allez le voir. Hein, le gouvernement britannique a donné à cet homme-là, hein, le statut de dignitaire, il vient de... Hein, ouais, comme sir. Et puis, même le gouvernement canadien lui a donné l'ancien musée de la guerre pour faire un centre de centre pour le multiculturalisme, puis je ne sais pas quoi d'autre encore. Et quand il visite des pays, il est accueilli comme un chef d'État. Et c'est un des hommes les plus riches au monde. Et chaque année, les membres de cette secte lui donnent son poids en or ou en diamant. Hein? Et en effet, c'est des gens qui sont vraiment, qui appellent vraiment à l'égarement. Hein? Et qui font vraiment beaucoup de courses et d'égarements aussi. Ils ne croient pas en la prière, ils ne croient pas en le jeûne, ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas à l'enfer. Hein, pour eux, ça n'existe pas ces choses-là. Et ils se disent musulmans. Énorme. Donc ça, c'est parmi les sectes, comme je dis, des sectes d'hérétiques et des sectes d'égarés. Ils se disent, il y a aussi les druzes aussi. Il y en a plein d'autres encore. Donc, il faut savoir que ces gens-là, c'est des sectes d'égarés. Parmi les sectes qui sont apparues aussi, au début, il y a la secte des Qadariyas. Donc, les Qadariyas, c'est ceux qui nient la prédestination. Et un des premiers qui a ramené cette bid'a, c'était un homme qui s'appelait Ghaylan al-Dimashqi. Ghaylan al-Dimashqi, et lorsqu'ils sont sortis, c'était à la fin de la période des Sahaba. À la période où vivaient les derniers d'entre les Sahaba. Et justement, à l'époque d'Abdullah ibn Omar, hein, lorsque lui c'était un des jeunes parmi les Sahaba, donc il a vécu longtemps, il a rencontré certains d'entre les tabi'ins qui venaient faire le Hajj. Et ils étaient venus avec l'intention de poser des questions à certains d'entre les Sahaba. Donc ils sont arrivés pour faire le Hajj, ils ont rencontré Abdullah ibn Omar. Ils lui ont dit, dans notre région, il y a des gens qui apprennent l'islam, ils disent qu'ils apprennent l'islam, puis qu'ils nient la prédestination. Ils nient la prédestination. Ils disent qu'il n'y a pas de prédestination. Donc, Abdullah ibn Umar, et ce hadith, vous le trouvez dans le chapitre de Kitab al-Iman dans Sahih Muslim, hein, et il y a cette histoire qui est mentionnée, avant la mention du hadith de Jibril, justement. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abdullah ibn Umar, il dit, dites à ces gens-là, si vous les voyez, que je me désavoue d'eux. Et que, ces gens-là ne seront pas musulmans tant qu'ils n'auront pas cru en la prédestination. Et que s'ils donnaient la quantité d'or équivalente à la montagne de Uhud, rien ne serait accepté de ce qu'ils ont donné tant qu'ils n'ont pas affirmé la prédestination. Donc c'est-à-dire que Abdullah ibn Umar, il considérait ces gens-là comme étant des kuffars, parce qu'ils nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce qu'on appelle Al-Qadariya. Et parmi les sectes qui sont apparues plus tard après, justement, il y en a qui ont pris cette bid'a et qui l'ont incorporée à leur secte, comme ce qu'on appelle les Mu'tazila, eh bien, ils font partie des Qadariya. Et les Shia aussi sont Qadariya, parce qu'ils nient aussi la prédestination. Hein? Donc, ça c'est en ce qui concerne Al-Qadariya. Puis il y a l'autre extrême des Qadariya, c'est ce qu'on appelle Al-Jabriya. Et Al-Jabriya, c'est le contraire. Eux, c'est pas qu'ils nient la prédestination, ils exagèrent dans l'affirmation de la prédestination au point de nier que l'homme ait une volonté ou une capacité de faire quoi que ce soit. Et ils disent que l'homme est forcé de faire ce qu'il fait et qu'il est comme une plume dans le vent. Hein? Il n'a pas de volonté, il n'a pas de capacité. Et ça, c'est ce qu'on appelle Al-Jabriya. Et ceux qui ont cette croyance-là, en général, c'était les Jahmiya. Donc ça, c'est en ce qui concerne le Qadar, les bid'a qui étaient reliés au Qadar. Puis ensuite de ça, sont apparus d'autres sectes. Lorsque certains ont commencé à vouloir traduire en arabe les livres des Grecs. Hein, les livres des Grecs, des philosophes et des philosophies des autres peuples. Ils les ont traduits en arabe. Ça, c'était à l'époque de Al-Ma'moun. Et Al-Ma'moun, il a ouvert un centre, hein, qu'il a appelé Dar al-Hikmah, dans lequel il a appelé tous les philosophes et les autres pour venir débattre et discuter de religion et ainsi de suite. Et à cet endroit-là, il traduisait les anciens textes des philosophes grecs, les textes des philosophes grecs et autres. Mais le problème qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé à prendre ces philosophies-là et à les étudier, et les jeunes bid'a ont utilisé ces livres-là pour essayer d'interpréter le Coran et pour essayer d'interpréter la religion. Et donc, ils se sont mis à nier les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est là qu'on a vu donc la bid'a de la négation, hein? À cette époque-là, on a vu commencer à apparaître, hein, la négation des attributs d'Allah. Le premier qui a ramené la bid'a de la négation des attributs d'Allah, c'est un homme qui s'appelait Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham. Et c'est lui qui a propagé ça. Et lui, il a appris ça d'un juif qui s'appelait Talut. Et Talut, il l'avait appris d'un autre juif qui s'appelait Labid ibn al-A'sam. Hein? Donc c'était, à l'origine ça venait des juifs, cette idée-là. Qui, probablement qu'ils l'avaient pris eux-mêmes des philosophes. Hein? Et donc, il s'est mis à nier les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à déformer les attributs d'Allah. Parce qu'ils disent que si tu affirmes à Allah les attributs qui sont mentionnés dans le Coran, ça veut dire que pour eux, tu fais ressembler Dieu à sa création. Donc, il ne faut pas affirmer les attributs. Donc, ils se sont mis à nier tous les noms et toutes les attributs. Et ils disaient qu'ils ne font qu'affirmer l'existence de Dieu seulement. C'est tout. Mais il n'a pas d'attributs, il n'a pas de nom. Ok? Et celui qui a été le propagateur de cette croyance-là, c'était un homme qui s'appelait Jahm ibn Safwan. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle cette secte Al-Jahmiya. Parce que c'est Jahm ibn Safwan qui a vraiment été le propagateur de cette secte. Et leur égarement n'était pas limité seulement à la négation des attributs. Parce qu'ils avaient aussi des égarements dans la foi. Pour eux, la foi se limitait uniquement à au fait de connaître Dieu. Ils disent, si tu connais Dieu, tu es croyant. Donc pour eux, Iblis était un croyant. Et Pharaon était un croyant. Parce qu'il connaissait Dieu. Ou il reconnaissait l'existence de Dieu ou des choses comme ça. Donc ça c'est, bien entendu, de l'égarement. Et aussi dans le Qadar, ils ont exagéré dans l'affirmation du Qadar. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils font partie des Jabriya. Hein? Et c'est souvent ces gens-là qui disent que Dieu est partout. Donc quand si ils vont lire dans le Coran comme Allah il dit qu'il est au-dessus de son trône, eux ils rejettent ce verset-là, hein, et cet attribut-là. Pour eux non, Dieu est partout et dans toutes choses. Et tout est Allah et Allah est tout. C'est un peu comme la croyance des panthéistes ou des hindouistes, ou bien la croyance des soufis comme Ibn Arabi ou Al-Hallaj qui disent que tout est Allah et Allah est tout. Hein, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Il n'y a qu'une seule existence. Donc ils appellent ça Wahdatul Wujud. Ou bien la croyance en ce qu'ils appellent aussi Al-Hulul. Hein, que Dieu entre dans certaines créatures ou dans certaines personnes. Donc ça c'est la Aqida des Jahmiya. Et puis, ensuite est apparu les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, comme je disais tout à l'heure, ceux qui l'ont fondé à la base de cette secte, c'était Wasil ibn Atta et Amr ibn Ubayd. C'est les deux qui ont commencé cette bid'a. Et Wasil ibn Atta, c'était un élève de Al-Hassan al-Basri à l'époque. Sauf qu'il s'est écarté du cours de l'imam Al-Hassan al-Basri. Parce qu'il a divergé avec lui sur la question de la foi. Et Al-Hassan al-Basri fait partie des tabi'in, des grands tabi'in, des imams de la religion, et il affirmait la position d'Ahl al-Sunnah au sujet de la foi, et il disait que le musulman qui commet un grand péché, il reste toujours musulman, sauf que sa foi diminue. Hein? Mais il ne sort pas de la religion complètement, du moment qu'il ne rend pas ce péché-là halal. Tandis que Wasil ibn Atta, il a dit non, ça c'est pas logique. Il dit, celui qui fait un grand péché, c'est pas un croyant, puis c'est pas un mécréant, il est entre les deux. Donc il est ni mu'min, il est ni kafir, il est entre les deux. Puis dans l'au-delà, ils disent dans l'au-delà, quand il meurt, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Ça c'est la croyance de Mu'tazila à ce sujet-là. Donc ça a commencé avec cette bid'a. Sauf qu'il y a plein d'autres bid'a qui se sont rajoutées. C'est pour ça que la aqida des Mu'tazila, elle est basée sur 5 principes. Le premier, c'est qu'est-ce qu'ils appellent le tawhid. Et le tawhid pour eux, c'est quoi? C'est de nier tous les attributs d'Allah. Ok? Donc pour eux, c'est ça le tawhid. Nier tous les attributs d'Allah. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils appellent? Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Et ils considèrent que ça, c'est que lorsqu'un dirigeant fait une injustice, que c'est obligatoire pour eux de sortir contre lui. Puis ils pensent que ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et comme on l'a expliqué, ça, c'est contraire au manhaj. Hein, du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Puis ils ont rajouté là, qu'est-ce qu'ils appellent Al-Adl, qui fait partie en fait de la négation de la prédestination. Hein, la justice, pour eux, c'est la négation de la prédestination. Puis il y a Al-Manzil Aben Al-Manzilatel que j'ai mentionné, c'est celui qui le fait de dire que le musulman qui fait des grands péchés, il est ni croyant ni mécréant, donc il va aller dans l'enfer pour l'éternité dans le delà. Ça c'est une autre bid'a. Puis il y a aussi al-wa'd ou al-wa'id. Hein? En tout cas, donc ça c'est leur bid'a les plus connues. Puis c'est eux qui ont été à l'origine de la grande fitna qu'il y a eu à l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'on appelle mihnat al-khalq al-Qur'an. C'est-à-dire que à l'époque de l'imam Ahmad, bon, il y avait le calife Al-Ma'moun, comme je disais, qui a ouvert l'endroit qu'on appelle Dar al-Hikma, où il faisait traduire les textes des Grecs en arabe, et il a accepté la croyance des Mu'tazila. Et il niait les attributs d'Allah. Et il en a fait une religion d'État ou une croyance d'État. Et il a imposé cette croyance à tous les savants, à tous les juges, à tous les imams. Et toute personne qui était dans, à cette époque-là, était obligée et forcée de dire que le Coran est créé. Et celui qui refusait, il était torturé, il était battu. On l'enlevait de son poste. S'il était juge, il ne pouvait plus travailler. S'il était imam, on l'enlevait de son poste. Et tous ces gens-là étaient remplacés par des imams qui étaient des Mu'tazila et qui nient les attributs. Et donc, parmi les savants qui ont été éprouvés par cette épreuve à l'époque, il y a l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Et lui, il a été parmi ceux qui ont tenu tête aux Mu'tazila et qui ont affirmé que la parole d'Allah est une parole révélée et qui n'est pas créée, mais qui est révélée d'Allah, que c'est sa parole. Et donc, c'est l'exemple de ce qui est arrivé à cette époque-là. Et ils se sont concentrés sur l'attribut de la parole d'Allah. Toutefois, ils nient toutes les autres attributs, sans exception. Donc, c'était juste un point en particulier pour utiliser, pour commencer à propager leur bid'ah et à essayer de jeter des shubuhat et à appeler les gens à l'égarement. Mais sinon, à la fin de leur argument, c'est d'essayer de nier les attributs d'Allah au complet. Donc ça fait partie de leurs égarements et ils ont ramené beaucoup de mal. Et étant donné qu'à leur époque, à l'époque de Al-Mu'tasim, à l'époque de Al-Ma'moun, il y avait cette bid'a, il était Mu'tazili, et celui qui l'a succédé c'était Al-Mu'tasim, lui aussi faisait partie des Khulafa qui était Mu'tazili, et celui qui l'a succédé après c'était Al-Wasiq, lui aussi était dans la fitna des Mu'tazila. Les trois ont torturé l'imam Ahmad, mais ils sont tous morts pendant la vie de l'imam Ahmad. Et c'est ensuite qu'il y a eu un autre khalifa qui s'appelait Al-Mutawakkil, et lui, il a rejeté la croyance du Mu'tazila, et il a affirmé la sunna, et il a fait sortir l'imam Ahmad de la prison, et il a remis l'imam Ahmad à sa place, et lui a redonné son honneur, et c'est là que la victoire a été donnée aux gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et la parole des gens de Bid'a a été rabaissée par la suite. Donc ça c'est en ce qui concerne la Bid'a des Mu'tazila. Il y a aussi la Bid'a des Murji'a. La secte des Murji'a, c'est ceux qui disent que la foi c'est quelque chose qui ne diminue pas et qui n'augmente pas. Et que tout le monde a la même foi, le même niveau de foi. Et que c'est quelque chose qui est uniquement dans le cœur. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, et peu importe qu'est-ce que tu négliges comme obligation religieuse, eh bien, c'est pas grave, ça affecte pas ta foi. Et c'est pour ça que ces gens-là, lorsque tu vas leur dire, par exemple, Taqillah fait la prière, et ils vont te dire, Ya'akhi al-Iman fil qalb. La foi, c'est dans le cœur. Donc il y a des gens qui disent ça par ignorance, mais il y en a d'autres qui disent ça parce qu'ils pensent vraiment à ça. Et ça c'est une secte très ancienne qu'on appelle la secte des Murji'a. Et c'est vrai que la foi à la base elle est dans le cœur, mais elle n'est pas seulement limitée à ça. Puisque la foi, selon Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme on l'a expliqué, c'est une parole, une croyance, une parole de la langue, une croyance du cœur et les actions avec le corps. قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La foi elle augmente avec les actions d'adoration et les bonnes œuvres que tu fais, et elle diminue lorsque tu fais des péchés. Donc ça c'est une autre des sectes d'égarement qui est apparue parmi les sectes d'égarement. Il y a eu aussi également parmi les sectes d'égarement la secte des soufis qui est apparue. Et au tout début, les premiers soufis qui sont apparus, c'était juste une question de se concentrer sur l'adoration et d'être modéré dans la nourriture, dans les vêtements, dans l'apparence ou dans les choses de ce genre, de pas tomber dans l'excès. Sauf que avec le fait que certains d'entre eux ces gens-là se sont écartés des hommes de science, ou se sont écartés de la science, de l'islam, eh bien, ils sont tombés dans l'ignorance et ils ont commencé à se retourner à la philosophie. Et ils sont rentrés dans beaucoup de choses qui ont un rapport avec hein, les croyances des bâtonniers. Et donc, ils ont fait rentrer dans l'islam des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Hein, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la croyance en Wahdatul Wujud. L'idée que de croire qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, et que tout est Allah, et que Allah est tout. Ou bien l'idée que, en faisant des actes, des exercices spirituels et des actes d'adoration, eh bien, on pouvait atteindre un état où on devenait un avec Allah. On se libérait de, ça c'est parmi leurs croyances qu'ils appellent Al-Hulul et Al-Fana et d'autres termes qu'ils ont inventés. Puis il y a aussi les bid'as qu'ils font avec leurs chouyours, l'exagération au sujet des chouyours, la bay'a qu'ils donnent aux différents chouyours, de différents turuqs, et également aussi les azkars qu'ils font qui sont basés sur des innovations parfois. Il y a dans leurs azkars beaucoup de différentes paroles de shirk et de bid'ah. Le fait qu'ils se concentrent aussi sur l'adoration des tombes, la vénération des morts, la construction des sanctuaires ou des mausolées sur les tombes des morts et des saints, et de leur demander de les exaucer, de faire des pèlerinages à leur tombe, et d'égorger et de sacrifier des animaux à leur tombe, et ainsi de suite. Donc ça fait partie de leurs innovations. Puis, il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Il y a également d'autres bid'as contemporaines qui sont apparues à notre époque. Hein? Et parmi ces innovations, parmi les groupes contemporains, comme les sectes contemporaines, comme les frères musulmans, Jamaat Tabligh ou autres, c'est des groupes qui sont apparus au XXe siècle et qui, à l'intérieur de ces groupes-là, ont réuni plein de différentes idées de toutes ces différentes sectes, puis qu'ils ont mélangé ensemble, puis qu'ils disent, nous, on ne condamne aucune de ces sectes-là, on accepte tout le monde. Et c'est ça le danger qui se retrouve souvent dans ces groupes-là. Donc c'était juste un résumé que je voulais faire aujourd'hui, on ne pouvait pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour donner une vue d'ensemble. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement de ces différents sectes, de ces différents groupes de bid'ah, et qu'il nous garde sur la sunna, et sur la voie de la sunna, comme vous avez pu entendre ou savoir qu'on a fait ce séminaire en fin de semaine, sur la compréhension hein, des gens de la sunna. Donc on a fait ce séminaire en fin de semaine pour ça, pour clarifier ces choses-là. Et avec le frère Shakir Abou Bachir et moi-même, et ça a été très bénéfique, on a bien profité. Et moi avant tout, et les autres frères aussi. Donc, on espère que vous avez profité aussi, car Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans cet noble effort ou dans cet humble effort. Et on espère qu'on aura peut-être dans l'avenir l'occasion de faire d'autres séminaires comme celui-là pour faire en sorte que, inshallah, la religion de l'islam devienne de plus en plus claire pour ceux qui la pratiquent. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente toujours en science et en piété et en sincérité. Et donc je m'arrête ici, inshallah, et on va faire le adhan. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.